Le premier ministre coréen Park Bong-soo a inspecté le complexe chimique de la jeunesse de Namhung. Parcourant des procédés de production, il a encouragé les ouvriers à augmenter la production. À la réunion consultative tenue sur place, le premier ministre a fait envoyer beaucoup plus d'engrais dans la campagne socialiste et pris des mesures pour que des entreprises intéressées approvisionnent à foison en matières premières. Précédemment, le Premier ministre a inspecté le complexe d'acérage Tsulima et invité à normaliser la gestion des procédés de production pour accroître la production des matériaux en fer et en acier.